Pendant les régates de Saint-Félicien, l'endroit où il faut visiter, c'est au Mets chinois, au 1005 boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien. Buffet à volonté, servi avec le sourire par un personnel courtois. Les propriétaires Laval-Ouellette et Steve Nauf souhaitent franc succès aux organisateurs de régates de Saint-Félicien et désirent souhaiter la bienvenue aux nombreux touristes dans le secteur. Au Mets chinois, au 1005 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88-679-3339. Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au regatdesaintfélicien.com. Ouais. On va parler de soccer avec notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du sport sélectionnel. Salut Benoît. Oui, du soccer, mais une référence, oui. Salut Dan Radio Sport. Benoît qui est en feu ce matin. Benoît, si on parlait de la Coupe du Monde, là, comment tu trouves... c'est une très, très belle Coupe du Monde, hein? Oui, ça se passe bien. Il y a des bons matchs, des surprises à travers ça. Où ce que j'ai un petit peu de difficulté, par contre, c'est au niveau de l'arbitrage, avec le nouveau système, la nouvelle technologie qu'on emploie cette année là pour la reprise vidéo. À quel moment l'arbitre appelle le vidéo, des moments qu'il l'appelle, des moments qu'il l'appelle pas, des moments qui reviennent sur les décisions parce que là, ils ont revu qu'il y avait eu des erreurs commises. Mais comme tu vois, le match qui vient de se terminer entre la Belgique et la Tunisie, dès l'entrée de jeu, il y a eu une faute à l'entrée de la surface. Ce genre de faute-là, Danny, souvent, l'arbitre va donner un coup franc. Et là, tout de suite, quand c'est près de la ligne comme ça, le contact s'est fait vraiment sur le bord de la ligne. Et les joueurs tunisiens ont demandé d'aller voir la reprise. Mais on dirait que quand l'arbitre a sa décision clair dans sa tête, il ne va pas voir qu'est-ce qui se passe alentour, mais c'est peut-être la déception de la Coupe du Monde, cet ajustement-là que la FIFA devra faire là, dans le futur. Mais oui, on a des bons matchs et l'après-midi, on a encore l'Allemagne contre la Suède. C'est le match de la journée, c'est l'Allemagne contre la Suède, l'Allemagne qui n'a pas le choix, doit gagner, sinon les carottes sont cuites dans le cas de l'Allemagne. Ah, écoute, ça serait une déception quand même incroyable. Moi-même, j'espère de voir les Allemands en Russie. Ça serait une sélection que j'aimerais voir dans l'histoire de la Coupe du Monde, du football international. On connaît l'équipe d'Allemagne. On peut pas concevoir de pas voir cette équipe-là dans le carré d'or, dans les quarts de finale. Mais on a vu que cette sélection, cette année, a peut-être des lacunes. Peut-être des joueurs vieillissants aussi. Oui, ben, ce qu'on racontait, j'écoute un peu partout en Europe, là, les émissions. Puis ce qu'on racontait, c'est que l'Allemagne, on commence pas mal à connaître le style de jeu de l'Allemagne. Puis les équipes commencent à s'ajuster à son style. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, mais comme je te dis, c'est une équipe, il y a des joueurs beaucoup en fin de cycle. Tu sais, l'Allemagne, ça a toujours été une sélection très structurée, très encadrée, avec des bonnes stratégies. C'est encore ça, mais il faut savoir que les joueurs en place sont des joueurs, des fois, de plus âgés. Il y a des joueurs de l'équipe gagnante de 2014. On va se rappeler l'an passé, l'Allemagne a gagné la Coupe des Confédérations avec une équipe B, qu'on disait. Ouais. Donc, il y avait quand même un gros choix du sélectionneur, Joachim Löw, qui avait un choix à faire, un choix judicieux à faire. Mais aujourd'hui, à 14h contre la Suède, j'invite les gens à Alma, là, à mon espace soccer chez G2, restaurant G2, à venir faire un tour, parce que ça va être un beau rendez-vous. Il faut se rappeler, Danny, que l'équipe de Suède ont quand même une victoire. Ce sont eux qui ont éliminé les Italiens en qualification avant les fêtes. Ouais. Et ça, sans Zlatan, hein, sans Zlatan, il faut le mentionner, Zlatan n'est pas là. Donc, Zlatan a même dit, si j'aurais voulu aller à la Coupe du Monde, je serais allé. Mais je suis pas certain que le sélectionneur t'aurait pris, mon champion. C'est mon champion. T'es drôle, là, t'es en feu. Hey, Benoît, l'Argentine, c'est que tu penses de ça? Tu m'as répondu sur les médias sociaux hier, mais Lionel Messi, l'Argentine, à moins d'une, sont pratiquement éliminés. Quoique la victoire du Nigeria hier contre l'Islande fait en sorte qu'il y a encore des possibilités pour l'Argentine, ça va être difficile. Messi, c'est peut-être sa dernière Coupe du Monde. Ben moi, je souhaite pas que l'Argentine puisse être éliminée. Ça serait moi, dans mon trip de soccer en Russie, J'avais mis dans mon pool ici, on fait des pools à l'espace soccer, et ma finale, imagine-toi donc, j'ai mis Argentine-France en finale. Mes deux équipes, mon équipe de cœur, la France, et mon choix du meilleur joueur, selon moi, dans les 10 dernières années, avec Cristiano Ronaldo. Je peux pas croire que l'Argentine passera pas les là, mais la victoire du Nigeria hier donne une chance à l'Argentine, et il faut se rappeler que si l'Argentine finirait deuxième du pool D, du groupe D, et que la France finirait battre le Danemark, eh bien, on aurait un huitième de finale Argentine-France dès le départ. Donc, ça pourrait déjà être un gros rendez-vous en Russie. Moi, ce que je disais hier sur les réseaux sociaux, c'est que tu mentionnais, Danny, que Messi n'avait jamais rien gagné avec l'équipe d'Argentine. Il n'a peut-être pas gagné de Copa América, ouais. Mais il a quand même gagné les Olympiques. C'est pas rien quand même. Il a gagné les Olympiques avec l'Argentine. Alors, quand on dit qu'il n'a rien gagné avec l'Argentine, ce n'est pas vrai. Il a quand même 3 finales consécutives. En Coupe du Monde et 2 Copa América. Je l'ai mentionné sur ta page Facebook hier. Alors, je pense que les gens devraient arrêter de dire que c'est pas une légende. Lionel Messi restera, même s'il ne gagne pas que l'Argentine et la Coupe du Monde, une légende quand même. Ah, c'est clair. Mais quelque part, à la fin de la journée, Benoît, tu parles des Olympiques, mais je suis d'accord avec ça qu'il a gagné. Sauf que les Olympiques, c'est intéressant, mais c'est pas le plus relevé. Non, c'est pas le plus relevé, mais je veux dire, à la fin d'une carrière d'un joueur, qu'est-ce qu'on regarde, c'est ses parcours, qu'est-ce qu'il a gagné. Mais si on sait que ses grosses victoires ont surtout été avec l'FC Barcelone, il a tout remporté avec eux. Maintenant, c'est sûr qu'il manque une coupe avec la sélection, mais il est toujours proche, et la sélection argentine aussi est vieillissante. Moi, quand je parlais de Messi, moi, ce que je pense de cette équipe-là, ce que j'ai trouvé de la défaite contre la Croatie, oui, il y a eu la grosse bourde du gardien, là, qui a fait mal à ce match à ce moment-là, mais je pense que je trouve que les joueurs argentins n'utilisent pas assez Messi. Ce joueur-là doit, à presque souvent à tous les coups, doit avoir le ballon au pied. On doit lui donner le ballon. C'est lui qui va faire les jeux. C'est lui qui va se faire faucher. C'est sur lui que les fautes vont être commises parce qu'il est dangereux et les gens vont être attirés vers lui. Et ça va créer des joueurs en libre, des joueurs libres qui vont pouvoir, parce que Messi va pouvoir les alimenter. Donc moi, ce que je dis pour le troisième match, alimenter Messi le plus souvent possible. Que ce gars-là marche sur le terrain parce que ses joueurs ont décidé à côté que peut-être qu'ils ont dit qu'il était aussi fort que lui. La game, c'est Messi. Ça a été construit alentour de Messi. Faites donner le ballon à Messi et je suis certain que l'Argentine va rehausser son niveau. OK. La France, c'est que tu penses de la France? L'équipe de France, c'est une entrée de la Coupe du Monde tranquille. Là, deux victoires. C'est correct, mais c'est pas eux qui ont le plus gros. Il manque peut-être. Ce que je trouve qu'il manque à l'équipe de France, Danny, c'est peut-être une force, là, un joueur de milieu de terrain qui domine le jeu. Qui pourrait dominer le jeu. Les attaquants, bon, oui, t'as des bons joueurs, t'as Griezmann, t'as Giroud, t'as Mbappé. Tu vois qu'Mbappé, il a seulement 19 ans, hein? Alors, c'est un joueur en devenir encore, là. C'est sa première Coupe du Monde. Il a marqué son premier but lors du dernier match contre le Pérou. Mais je pense que la France, normalement, devrait sortir premier du groupe. Ah ouais, facile. Une Coupe du Monde comme ça, Danny, c'est souvent parlé dans les réseaux sociaux et dans les médias que les phases de groupe, c'est toujours difficile. Une équipe qui s'enligne pour aller chercher la Coupe du Monde, elle va monter en puissance, son niveau de jeu va monter au fur et à mesure que la Coupe avance, lorsque les grands rendez-vous vont arriver à partir des huitièmes et des quarts. Tu vois, si la France finit premier et qu'on se retrouve avec un huitième de finale France-Argentine, ça sera déjà un grand rendez-vous. On a déjà une prédiction que cet après-midi, si admettons les Allemands finissent deuxième de leur groupe, et que le Brésil finit premier, mais on va avoir un huitième de finale Brésil-Allemagne. Donc déjà, en huitième, on aura de gros rendez-vous. Ça va dépendre des derniers matchs qui vont avoir lieu. J'invite les gens à Alma à venir nous trouver. J'ai des œufs à Alma sur la rue Saint-Joseph. On a une gang de fans de soccer. On vend des maillots. On a fait des poules. Il y a des poules de matchs. Donc j'invite les gens. Il y a des super matchs qui s'en viennent là. Puis moi, je vais être en Russie pour les quarts de finale, mais les matchs vont être présentés pareil à Espace Soccer. Benoît, si on parlait maintenant des matchs qu'il faudra surveiller au cours des prochains jours? Ben, des matchs qu'on va surveiller aujourd'hui, comme je te disais aujourd'hui. Ouais. C'est le match de fin de semaine, peut-être, Allemagne-Suède. La victoire de Belgique, tantôt 5-2, c'était un match très offensif. Mais tout à l'heure, le Mexique, ont causé la surprise en battant l'Allemagne. Est-ce que là, ils vont jouer contre la Corée? C'est pas un grand rendez-vous, mais normalement, le Mexique devrait gagner ce match-là. Ça, le Mexique, Danny, c'est une sélection que j'aimerais voir peut-être remporter une Coupe du Monde parce que c'est une grosse nation de football. Ils ont jamais gagné. Ils ont jamais été plus loin que les quarts de finale. Je leur souhaite une belle. Quand on dit là, que les Allemands, là, ont été surpris par le Mexique, puis c'était une grosse surprise. Je ne peux pas dire que c'est une grosse surprise tant que ça. Es-tu d'accord avec moi? Ben, non, je suis d'accord avec toi. C'est quand même une surprise, une grande surprise. Ouais, mais... Et le Mexique n'a jamais dépassé les quarts de finale dans une Coupe du Monde. Okay? Les Allemands sont toujours, toujours dans le corridor et ont 4 étoiles sur leur maillot pour 4 Coupes du Monde. Alors, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on dit une surprise. Maintenant, le Mexique, ils font souvent des bons débuts de Coupe du Monde et ça se termine souvent à queue de poisson lorsqu'arrivent des grands rendez-vous en 8e et en quart de finale. Mais tantôt, tu m'as posé la question sur les rendez-vous. Oui, le match à 14h aujourd'hui, Allemagne-Suède. Demain matin, on a l'Angleterre-Panama. Je crois que l'Angleterre devrait sortir de ce match-là assez facilement. Le Panama, c'est un peu l'équipe de notre continent CONCACAF qui a surpris devant les États-Unis, hein, parce que les États-Unis auraient dû avoir leur place là à cette Coupe du Monde-là. Demain, il y a un match intéressant à 14h aussi. C'est la Pologne contre la Colombie, ça risque d'être intéressant. Et par la suite, Danny, à partir de lundi, mardi, mercredi, jeudi, 25 juin, c'est tous les matchs, là, les troisièmes matchs de groupe, et tous les matchs sont en même temps. Ça veut dire qu'exemple, le groupe A, Uruguay et Russie, les matchs sont à 10h, à 10h et à 14h. Uruguay et Russie, ça devrait être un très bon match pour savoir qui va sortir le premier du groupe. Tu sais, le premier du groupe est très important. Par la suite, bon, dans le groupe, on parle de lundi encore à 14h. Espagne et Portugal sont déjà pas mal qualifiés, je crois. Donc, ça devrait être eux qui va sortir premier ou deuxième. Et les gros rendez-vous, là, ça va aller à mardi, là. Mardi, en après-midi à 14h, alors que le Nigeria va jouer contre l'Argentine. Et dans l'autre match, ce sera l'Islande et la Croatie. Les Croates sont déjà premiers assurés. Mais qui va sortir deuxième? Il y a 3 équipes encore qui ont des chances de finir deuxième dans ce pool-là. Donc, à surveiller mardi prochain. Et mercredi, bien, ça sera aussi encore l'Allemagne. Ça va dépendre de leur match après-midi. Ouais. Donc, Allemagne-Corée, ça devrait être bon. Mais le Mexique-Suède va être un bon rendez-vous aussi. Ça va être intéressant à voir. Puis, il y a le groupe du Brésil aussi. On sait que le Brésil avait annulé contre la Suisse. Et c'est serré. On a la Suisse et le Brésil qui ont 4 points. Et puis, je te dirais que ça devrait être un bon rendez-vous parce que tu as la Serbie qui a eu des points aussi, qui a 3 points. Donc, le match, ça aura lieu le 27 mercredi à 14h. Donc, ça va être intéressant aussi. Et par la suite, ça tombe à jeudi. Angleterre-Belgique devrait être un match pour savoir qui va déterminer la première ou la deuxième position du groupe G. Donc, Angleterre-Belgique, ça devrait être intéressant, ça, jeudi prochain. Il y aura un arrêt vendredi le 29 et on va reprendre après ça avec les 8e de finale d'année. Je pense que les grands rendez-vous s'en viennent. Moi, comme je t'ai déjà dit, je serai à Kazan pour le match du quart de finale. Quand j'ai regardé les tableaux possibles, j'ai regardé une possibilité peut-être d'un match Brésil-Belgique, ça pourrait être possible en quart de finale. Le lendemain, le 7 juillet, je m'en vais à Samara pour un autre match. Là, j'ai ciblé le match. Mais là, vu qu'il y a des changements de première à deuxième position, ça risque de changer. Donc, je m'annonce pas sur le match que je vais aller voir. Par la suite, je descends à Moscou pour la demi-finale du 11 juillet. Et le 15 juillet, je serai dans le stade, là, en faisant une... On va faire une pause et je vais parler de l'Impact qui recommence aujourd'hui. On va se parler de l'Impact très brièvement. Vous allez écouter d'entrevue avec Benoît Lavoie d'Espace Soccer sur les ondes de danadusport.com. Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. Pendant les régates de Saint-Félicien, l'endroit où il faut visiter, c'est au Mets chinois, au 1005 boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien. Buffet à volonté, servi avec le sourire par un personnel courtois. Les propriétaires Laval-Ouellette et Steve Nauf souhaitent franc succès aux organisateurs de régates de Saint-Félicien et désirent souhaiter la bienvenue aux nombreux touristes dans le secteur. Au Mets chinois, au 1005 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88-679-3339. L'Impact qui reprend l'activité ce soir, Benoît, quelqu'un qui est en Coupe du Monde de soccer, c'est correct, mais c'est que l'Impact c'est correct quand on n'est pas en Coupe du Monde, mais mettons que tu vas-tu regarder le match ce soir? Pas certain, Danny. À soir, c'est la saison. L'Impact, on dirait. Je vais te dire, franchement, je suis en mode Coupe du Monde, quasiment, je roule à 3 matchs par jour, j'écoute tous les matchs, j'en ai banqué quelques-uns parce qu'il me restait des journées encore à l'école, à mon travail, et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, je m'en vais vers la Russie, donc je suis vraiment blanc. Plein d'amis viennent me voir, on jase soccer, on est vraiment branchés sur la Coupe du Monde, l'impact avec la saison de misère qu'ils ont, avec tout ce qui se passe alentour, et moi, personnellement, avec Espoir Soccer, tu sais que je demande des accréditations parce que j'ai un site. Je parle d'eux à la radio avec toi, avec Michel Tifot, à l'émission Dans le vestiaire. J'aurais aimé qu'on considère un peu ce que je fais pour eux dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'on me donne une accréditation pour la saison, alors que je dois la demander à tous les matchs. Et selon le responsable, M. Éric Forêt, il me dit oui, il me dit non, il me dit non, il me dit oui, selon le match. Et moi, j'aimerais ça que Espoir Soccer, Benoît Lavoie, soit considéré une fois pour toutes et qu'on me donne une accréditation quand je la demande en début de saison. Donc, pour l'instant, l'Impact, je fais un break 2 pendant la Coupe du Monde. Bon, c'est bien correct de même. Benoît, on s'en reparle très, très prochainement. Yes, salut, Danny. Benoît Lavoie d'EspoirSoccer.com.